La paille en main, l'œil attentif, le zoom enclenché. Flash nouveau-né vers qui ses créateurs se penchaient. Un an plus tard, l'heure de signature au bas d'une feuille. Le corpus stipule qu'ils ont mis leur union dans un cercueil. Une nounou dans un fauteuil, le regard est bêté. Se perd le doigt vers l'extérieur, ne vient plus embêter. Mes fils risquent sa vie dans le whisky. Il le fixe, ses comptes oppressés par le fisc. Photo de famille, et ce nouveau visage vient enterrer la famine. J'ai encadré ce paysage, bagarre de fer, une porte claque et puis un doigt y passe. Mis en un accident, car la main du paternel laisse des traces. Inséparable, on se savait amis à vie. La vie est une routine et c'est la route qui a pris ta vie. Désolé mon frère, si je t'ai délaissé ces dernières années, précédant le jour de ton décès. Des voix se lèvent, le temps monte et une bouteille qui vole en éclat. L'amour campe, les fiers reines et sa présence lui vole les classes. Souvent se trompe, échec en scène et leur structure dévoile les stats. Chaque fin de mois, les chiffres montrent combien il fait de filer l'état. Des grands potes le rivet sur l'objectif. Cet album est bien trop court pour afficher mes négatifs. Photographe de par ces clichés que je développe en orthographe. Chaque image me parle et fait de moi son phonographe. Ici dans les bras de ma mère, sous la plus fragile des formes, dans le plus simple appareil, je n'en ai pas souvenir. Je me rappelle quand même la campagne de mes premiers pas. Pieds nus dans les jardins de ma petite enfance, effacer les fausses taches d'encre au flanc des vaches. 87, ma vision des blocs sans le faux départ. 93, mon père couché dans son tombeau et mon frère à l'armée repart sous les drapeaux. J'ai jeté les négatifs pour oublier le temps où ma mère pleurait chaque nuit sur des images en noir et blanc. Les fantômes m'ont jauni dans nos albums de famille. 95, mon premier micro pousse un cri tragique. 96, photo d'une petite équipe, le sourire d'Aquila. C'est l'écriture sans Moleskine, l'amitié en toute modestie. Précieux segment du destin, j'ai vivé ces instants dans la fumée grasse des bancs du lycée. J'ai pas appris grand chose à l'école, maman, à part l'escroquerie. Comment faire briller l'écran, mais doser les rangs orange dans des verres en plastique, espérant que la musique me hisse sur d'autres routes et que la rime suivante m'éclipse. D'entre les fous, j'attendais que le ciel bleu hisse. Entre les tours, j'avais rien compris, ça tu l'avais compris. Avant moi, je n'étais qu'une hernie, un cri entre les sourds. Des visions poussiéreuses, des négatifs qui surgissent, des diapositives qui agissent, rendant mes lésions bien heureuses. Le dispositif est en marche, prêt à visualiser le temps. Et la démarche est d'immortaliser l'instant d'une liaison qui fortifie, de l'espoir qui se consolide, d'une raison qui mortifie le soir d'une virée en bolide. Une vie chavirée, une tombe qui fleurit dans l'hécatombe ont empiré. Nos envies meurtries, l'orgueil dans ces moments si vrais où l'on encaisse les débés, feuilles au CB, l'œil enivré. Encaisse au BDB des ennuis dès le crépuscule, un cercueil au fond d'un verre. Des nuits de canicule avant que nous accueille l'hiver. Des gens, des orfèvres, des lumières dans un couloir, des commères qui sans le vouloir engendrent nos rêves. Des réflexions sommaires, des bricoles qui s'échangent. Des barrières des écoles primaires, nos directions qui changent. Un mélange étrange de l'alcool et des coups, des anges, des paroles qui dérangent. De la rage, une corde au cou, l'âge de l'euphorie, un slalom, un dérapage. Un moment de lorie, des diplômes au rattrapage. Des mots sous un réverbère, une fronde et des galets. Des marmots, des gringalets dans une ronde de cerbère. Tant de segments précieux, tant de signes de survie. Autant de lignes sous mes yeux, fragments de vie, fragments de vie.